ok, on est là, 83, l'avant-doux, on représente, ok, manico du 83. Bienvenue dans mon U3, bienvenue dans ma rue. Viens faire un tour chez moi, tu en prendras plein la vue. Bienvenue dans mon U3, bienvenue dans ma ville. Viens faire un tour chez moi, tu verras comme les jours défilent. Bienvenue dans mon U3, où souvent c'est l'abus. Bienvenue dans mon U3, trop souvent c'est la fuite. Rage de haine, dommage, la peine nous freine. Pour tourner les pages de tout ce que l'on aime, de tout ce que l'on sème. Quand se battre, on l'enseigne. Conséquence, on enseigne. 83 dans le rap, une nouvelle enseigne. 18 carats d'or pur, esprit de l'abdomen. D'honneur de notre son promène, MK prod, un nouveau phénomène. Mais où cela nous mène, pas si loin de l'arène. Où les gosses croyaient à Harlem, et où le shit nous donne mauvaise haleine. Pris dans les problèmes, et si loin de l'essentiel. Essentiellement dû à ce ciel bleu. Et où la bleue nous pousse dans le blues, dans le manque de flouze. Et loose braque tous pour une paire de shoes. Le quartier prend la douche, et maintenant sous zone rouge. On est là, à présent, pour rattraper la bonne route. Bienvenue dans mon U3, bienvenue dans ma rue. Viens faire un tour chez moi, t'en prendras plein la vue. Bienvenue dans mon U3, bienvenue dans ma ville. Viens faire un tour chez moi, tu verras comme les jours défilent. Bienvenue dans mon U3, bienvenue dans ma rue. Viens faire un tour chez moi, t'en prendras plein la vue. Bienvenue dans mon U3, bienvenue dans ma ville. Viens faire un tour chez moi, tu verras comme les jours défilent. Vu que l'on pisse tous pour se renfluer les poches. On s'accroche, on s'approche pour un aperçu de plus en douce. On fout la frousse, on freine, on reste franc, on pense, on s'avance. Et vous donne nos références, nos préférences. Celles dans lesquelles certains ont de l'expérience. Le charbon, le ballon, les flics en faction. Poursuit des actions, voici les CV sans aucune prétention. Attention, ni modification, passons. On fout la merde, même les pieds dans la merde. Et on nique les commères qui nous niquent le commerce. Et nous pousse à la renverse, on le fera, on progresse. Au micro, on adresse, car ici les maladresses. On n'a pas peur des maladresses, voici mon adresse. MC Mani 83, pas peur qu'il faut pas faire. Je défends lui 300 complexes, peu importe le contexte. Mec t'inquiète, tu modèles. Mais mes textes sont craint comme la peste. Bienvenue dans mon 8-3, bienvenue dans ma rue. Viens faire un tour chez moi, t'en prendras plein la vue. Bienvenue dans mon 8-3, bienvenue dans ma ville. Viens faire un tour chez moi, tu verras comme les jours défilent. Bienvenue dans mon 8-3, bienvenue dans ma rue. Viens faire un tour chez moi, t'en prendras plein la vue. Bienvenue dans mon 8-3, bienvenue dans ma ville. Viens faire un tour chez moi, tu verras comme les jours défilent. Welcome, même si on t'impressionne car l'illicite nous consomme. Le style est hors norme et le son est énorme. Ça nous donne la force. On s'affirme et on crime. On rime et tu te la fermes pour nous laisser place en prime. On trime, ça charbonne tranquille. On se pose tranquille. Si la mer nous fascine et les mers nous font signe. Sable fin, belle vue, belle fille. Mec, ça c'est nos racines. Ça c'est nos racines. Mec, ça c'est nos racines. 83, 980. Bienvenue dans mon 8-3. C'est M-A-N-K. Ta gueule, merde, merci. Et il croit mon tour le ré.